précédemment, dans aussi loin que s'en souviennent les lilas. Alors que faire? Il vous faut prendre le maquis, monsieur le maire. Et enfin, monsieur son conseil, je ne veux prendre personne, moi. Il est hors de question que je fasse des choses sexuelles sans mon consentement. Non. De quoi? Mais je comprends plus rien, là. Rebecca, tu avais pourtant confiance en moi. Oui, mais depuis que je sais que Jacqueline est avec toi, avec sa langue de vipère, à te dicter tout ce qu'il faut faire pour cette ville, nous ne sommes ici qu'en vacances. Rappelle-toi, pour te guérir et... Reprends ma rare. Quoi? Partez, Rebecca, et ne revenez plus jamais ici. Ne revenez plus dans notre ville. Vous devez quitter Bitbourg. Moi vivante, jamais. Alors, nous n'aurons plus qu'à vous tuer. Vous connaissez du monde à Bitbourg, et j'aimerais que vous les réunissiez tous chez Carole ce soir. J'ai à leur parler. Mais attention, uniquement ceux qui pensent que monsieur le maire est innocent ou qu'il y a un doute. Très bien, mademoiselle Rebecca, très bien. Vincent est mené par le bout du nez. Non. Si, Rebecca. Mais Rebecca est mon amie, elle traverse juste une mauvaise passe. Il faut lui laisser le temps. Elle ne te laissera aucun répit, Vincent. Vincent, ta Rebecca, il faut la mettre en prison. Eh bien, j'ai participé à une réunion chez Carole et le surveillant Maton et ses hommes nous sont tombés dessus. On a réussi à s'enfuir. Je ne sais pas ce qu'est devenue mademoiselle Rebecca et... Oh, je peux m'asseoir? Allez-y. Ils me poursuivent. J'espère qu'ils ne vont pas continuer pendant longtemps. Et une résistance s'organise, Jennifer. Une résistance? Contre Vincent David, le nouveau maire? Oui. Pardon, le maire Robin, la résistance vient de naître. Oui, petit son conseil municipal, je... Oh, j'adore, encore! Et Paul, c'est comme c'est merveilleux d'avoir quitté cette île déserte pour venir sur le continent. Je ne pensais pas que la campagne était si belle. Et pourtant si, Virginie. Et pourtant si. Viens, arrêtons-nous un instant et prenons l'air au bord de cette forêt. Il y a non loin d'ici, paraît-il, une petite ville fort agréable du nom de Bitbourg. Oh, mais tu t'arrêtes brusquement. On dirait que tu n'as pas fait réviser la voiture ces derniers jours, comme tu l'avais dit que tu le ferais. Et pourtant si, Virginie. Et pourtant si. Et cet air sauvage, avançons. Oh, viens par là, toi, mon grand fou, Paul. Viens, allons-nous sur le sol. Oui, mais ne me dis pas que tu ne peux pas. Oh non, tu m'avais menti sur tes compétences. Oh, je n'arrive pas à le croire que tu sois aussi fatigué. Et pourtant si, Virginie. Et pourtant si. Salut les Jones. Bienvenue dans la forêt qui entoure Bitbourg. Mais dites-moi, vous avez l'air de porter de beaux habits. Surtout quand vous les gardez sur vous. Ah, Paul, défends-moi de ces brigands de la forêt, ne sois pas lâche. Tu ne vas quand même pas leur donner notre argent. Et pourtant si, Virginie, et pourtant si. Bah, c'est tout? 200 francs? Mais on a fait toute cette mise en scène avec des trompettes et tout pour seulement 200 boules. Je n'en vois que deux, petit son conseil municipal, seulement deux. Mais diable, je ne pensais pas qu'on puisse arriver à un diamètre aussi étonnant. Et pourtant si, voleur de la forêt, et pourtant si. Bon allez, nous on vous laisse, on a une révolution à faire et votre argent sera mis à contribution, soyez-en sûrs. Salut! Mais qui êtes-vous? Le maire des bois et petit son conseil municipal. Nous volons aux riches, ou ceux qui ont un peu d'argent et qui n'en ont pas trop besoin, pour le redonner à nous. Mais pour la révolution, partez les Jones, ici c'est la guerre. La guerre civile est-elle loin d'être terminée? La guerre? Oh mon Dieu! Je n'arrive pas à croire qu'il puisse y avoir une guerre seulement dans une petite ville comme celle-là! Et pourtant si, Virginie. Et pourtant si. Oh toi, ta gueule, hein! On se tire maintenant! Je veux plus entendre parler de Bitbourg! Plus jamais! Plus jamais! En plus, il commence à faire nuit! La guerre, on aura tout vu! Arrêtez-les, au nom du roi David! nous ont pas vu rentrer ici, au moins. Non, Carole. Votre bar, la Joyeuse Goutte, serait le dernier endroit pour eux où il y aurait la résistance. Vincent a une haute estime pour vous. Il ne vous soupçonnera jamais. Ça va? Vous avez l'air blessé? Vous n'êtes pas sonné? Vous vous souvenez comment vous vous appelez? Oui. Rebecca, comment déjà? Bah non, vous vous souvenez pas. Comment déjà, c'est mon nom, Carole. Et en plus, vous avez des problèmes de syntaxe. On dit c'est comment déjà mon nom, Carole. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu vous faire? Mais rien, Carole. J'ai réussi à prendre contact avec Jack de l'hôtel La Belle Étoile. Il a réussi à faire venir des armes de l'extérieur. On sera mieux armés pour combattre le joug de ce bouffon de roi David maintenant. S'il n'y avait pas ce fichu couvre-feu, je ne me serais pas trop fait remarquer. Mais là, ils m'ont vu et ils m'ont poursuivi. C'est généralement ce qui arrive quand les méchants rencontrent les gentils qui courent. Vous avez peut-être raison, Carole. Depuis 2 semaines, nous nous battons comme des beaux diables contre celui qui fut mon meilleur ami et qui a voulu me faire arrêter. Rien n'avance. Rien. Il nous faut quelqu'un de charismatique pour pousser ceux qui doutent encore à nous rejoindre, à rejoindre les rangs de la résistance. On aura vraiment du mal à faire venir Benjamin Castaldi, mademoiselle Rebecca. Je crois qu'il faut pas trop rêver. Mais je ne parlais pas de ça, Carole. En plus, niveau charisme, Benjamin Castaldi, il peut se rhabiller. C'est pas avec sa tête de mérou qu'on pourrait attirer autre chose que des vers solitaires. Non, je pensais à quelqu'un d'autre. Monsieur le maire. Il a accepté d'être le chef de la résistance. Mais s'il continue à se cacher dans la forêt comme ça, on risque pas d'être crédible. Il faut qu'il se montre, qu'il combatte aussi à nos côtés. Vous voulez qu'on aille chercher monsieur le maire? Oui, Carole. Vincent ne sait plus ce qu'il fait. Monsieur le maire doit revenir à Bitbourg, sinon nous courons à la guerre civile. Mais c'est déjà la guerre civile. Ah? Oui, c'est vrai. Je disais ça pour qu'il y ait de la tension dramatique dans mes propos. Bon, je retourne chez Jennifer, Carole. Depuis que Vincent et cette morue de Jacqueline ont mis ma tête à prix, il n'y a que là-bas que je suis en sécurité. Et pour monsieur le maire? Je vous fais confiance pour aller le contacter discrètement. Emmenez le paysan avec vous. Lui seul connaît la cachette du maire. Lui seul pourra vous mener jusqu'à lui. Très bien. La victoire ou la mort pour la résistance. La victoire quand même, je préfère. Mais mes hommages, roi David. Ouais, Maton, ouais, c'est bien. Mais alors, est-ce que toi et tes sbires, vous avez enfin réussi à mettre la main sur Rebecca? C'est qu'aucun de nous ne possède une main aussi grande. Vous nous comprenez, la main par rapport à la taille du corps de mademoiselle Rebecca, c'est de l'humour. On ne vous paie pas pour faire de l'humour, Maton. Ah. Bon Dieu, Jacqueline, cesse donc d'apparaître à chaque fois derrière les gens comme ça. T'es pas une magicienne, non? En plus, il risque à chaque fois de faire un infarctus tellement tu les surprends. On dit infarctus, Vincent. Et je n'ai aucun ordre à recevoir de toi. Bon, ok. D'accord, on va s'engueuler. Maton, tu sors et tu fouilles David de fond en comble pour me retrouver Rebecca, hein? Cette petite guerre a assez duré. À vos ordres, roi David. Jacqueline, je suis le roi. Je décide, non? Toi, tu n'es rien. Bien sûr, Vincent, bien sûr. Si tu es au pouvoir... C'est un peu grâce à moi, non? Oh, grâce à toi, voilà que madame se la pète et que j'ai aidé Vincent à devenir le roi de Bitbourg, et etc. Depuis 2 semaines déjà, Bitbourg est à feu et à sang parce que des gens n'acceptent pas que tu aies pris le pouvoir. Ouais, bien sûr. Ils préféreraient vivre sous l'emprise des conspirations, hein? Les cons. Il faut arrêter cette résistance. Il faut l'annihiler. Ensuite, nous pourrons régner en paix, toi et moi. Ouais, mais enfin... Je ne suis toujours pas guéri de la maladie de Monsieur Nebo et ça m'inquiète un tantinet quand même. Que tu sois impuissant ne change rien pour nous deux, Vincent. Pas un précran, merde ! Oui, d'accord. Il est 22h, Vincent. C'est l'heure de ton discours nocturne. Oui, au fait, à propos de ces discours-là, c'est pas un peu trop, 3 par jour ? Les gens vont commencer à en avoir marre ? Non, allez, vas-y. Très bien. Bien sûr qu'ils vont en avoir marre, Vincent. Et bientôt, ils te lyncheront sur la place publique, alors que moi, je partirai avec tout l'argent de Bitbourg en poche. Mais pas avant d'avoir réglé mes comptes avec Rebecca comment déjà. Pas avant, Vincent. Mes amis Bitbourgeois, le roi David vous parle. Depuis 2 semaines, certains mauvais élèves font des choses vilaines dans notre ville et... Et des choses vilaines dans notre ville moi, hein. Il n'est même pas habitant bourgeois, lui. Oh, Abdoul, évitez de parler. Vous avez beau être habillé en femme pour vous cacher dans la foule, votre voix gâche toute l'illusion. C'est mademoiselle Rebecca qui veut que je m'habille en femme quand je sors, parce que sinon, selon eux, je serai arrêté tout de suite et mis au centre de détention Jacqueline Boubillard. Allez, venez, rentrons Abdoul. Je suis un peu fatiguée, moi, et il est trop nuit pour que je sois debout. Jennifer ? Hola, Jennifer ! Oh, le surveillant Maton ! Partez devant, Abdoul. Je vous rejoins. Mais, s'il vous arrête... Oh non, Jennifer, je ne vous laisserai pas seule face au danger. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le au moins pour le docteur Botomy. Vous devez le délivrer tôt ou tard. Vous êtes son unique espoir. Oh, vous avez remarqué que vous avez fait des rimes ? Oh oui, j'ai toujours été un peu poète. Allez, partez maintenant. À tout à l'heure. Ah Jennifer, avec toute cette foule, j'ai bien cru que je ne pourrais pas vous rejoindre, mais on me la fait pas moi, hein. Ça non, surveillant Maton, on vous la fait pas à vous, hein. Alors ma petite Jennifer, vous allez bien ? Qui était cette charmante jeune femme qui vous accompagnait ? Oh, ça, c'était Abdoul Pola déguisé en femme pour pas qu'on le reconnaisse et que vous l'arrêtiez, comme il fait partie de la résistance maintenant et que... Oh. Abdoul ? Abdoul ! Oh, arrêtez-le ! Arrêtez cette femme là-bas, c'est un ennemi du peuple, un conspirateur ! Quant à vous, Jennifer, vous allez me suivre. Jamais, même si je dois y laisser ma vie. Pourriture ! Ne me forcez pas à vous tirer dessus. Alors oui, alors là, forcément, vous me laissez pas trop le choix. Hein. Ne serrez pas trop fort les menottes. Moi, j'aime bien quand il y a de l'espace. Je vous dis que je l'ai vu se faire arrêter. Mon Dieu ! Encore une victime de la folie qui touche Vincent. Aussi loin que je m'en souvienne, on n'a jamais appelé Jacqueline Boubouillard une folie. Elle touche qui elle veut. Hein. Oh, tais-toi, Jean, hein ? C'est bien grave tout de même. Aussi grave que lorsqu'une étoile s'éteint dans le ciel de nos illusions. Oh, ben moi, je dis ça comme ça. Il faut vite que Carole revienne avec Monsieur le maire. Le temps presse. Il nous faut agir. Jean, vous avez des nouvelles du palais ? Ben, pas trop. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous êtes censé y être infiltré. Être notre agent, là-bas. Ah bon ? C'est comme un travail, ça. Effectivement, on peut voir les choses comme ça. Bah, j'ai perdu l'habitude de travailler, moi, alors... Eh bien, dépêchez-vous d'infiltrer le palais. Plus vite nous aurons des informations concrètes, mieux nous pourrons agir. Mais je ne suis pas un informateur secret. Qui vous a dit que j'étais un informateur secret ? Jamais je me suis appelé larynx géant vous me payerez ? Oui, en estime. Et c'est bien coté en bourse, ça, l'estime, comme monnaie ? Moins bien que mon pied au cul, Jean. Allez, file ! Bon, la résistance, c'est pas si top, finalement, hein. Être chez Jennifer sans Jennifer, c'est pas pareil. Que fait-on pour notre jolie infirmière ? Il va nous falloir attendre, Abdoul. Si nous tentons d'attaquer dès maintenant le centre de détention Jacqueline Boubillard, nous serions arrêtés. Il nous faut un meneur de troupes. Il nous faut Monsieur le maire. Allez, petit son conseil des bois, il faut se lever maintenant. Allez, hissez haut, le jour vient de se lever. Un nouveau jour pour des bandits. Laissez-moi dormir, monsieur le maire des bois. J'ai la tête en cul de poule, j'ai trop bu hier. Venez, il nous faut voler encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Allez. Bon, eh bien d'accord, mais on ne s'entraîne pas à lancer des grenades aujourd'hui, parce que j'en ai marre, moi, de manger de l'écureuil grillé. Mais ce n'est tout de même pas ma faute si à chaque fois que je lance une grenade sur une cible, il s'avère que cette dite cible soit un nid d'écureuil, enfin quoi ! Et l'écureuil n'est pas si mauvais que ça, il a un arrière-goût de noisette. Peut-être quand vous mangez le haut, moi j'ai toujours mangé le bas, et le bas, croyez-moi, c'est pas un arrière-goût qu'il a, c'est plutôt un goût d'arrière. Allez, il faut se laver, prendre son petit déjeuner et voler les pauvres pour redonner de l'argent aux riches. C'est le contraire, le maire des bois. Eh bien, ce n'est pas grave, pour moi c'est la même chose. Je commence à kiffer grave les choses vilaines, moi. Et Ernest, tu les manges, toi, tes cornflakes ? Bah bien sûr, je les mange. Qu'est-ce que tu crois ? C'est le matin ? Le matin, je prends un petit déjeuner, je mange mes cornflakes. Oh, ouais, ouais, moi, hein, je disais ça comme ça. Eh, Paolo, toi, tu les manges, tes cornflakes, ce matin ? Non. Allez-y, Alberto, je n'ai pas trop faim ce matin. Eh bien, on dirait que la prison ne vous ouvre pas trop l'appétit ce matin, hein, docteur Bottomy ? Ah, si vous saviez, Peter, je n'ai plus trop d'appétit. Je pensais qu'en étant emprisonné, je serais enfin en paix avec moi-même. Mais pourquoi ? Vous avez mal au ventre ? Oh, mais t'es fabuleusement con, toi, hein ? Mais en réalité, je n'arrive pas à retrouver cette paix intérieure. Ouais, c'est bien ce que je disais, hein, il a des gaz. J'ai toujours le meurtre de mon ami le docteur Dumbo sur la conscience. Tu veux mes cornflakes, Alberto ? Oh ouais, j'ai trop de la misère dans mon ventre. Alors, hein, dès que je peux manger des super beaux cornflakes, je suis content. Je foutrais mourir. Allez, allez les enfants, on se dépêche de finir sans manger pour aller à la douche. Vous êtes pas dans un centre de vacances ici, vous êtes au centre de détention Jacqueline Beaubillard, hein ? On me la fait pas, moi, hein ? Oh, comme vous mangez vite, Alberto, c'est fabuleux, hein ? Fabuleusement con, oui. Ouais, mais j'en veux faim, moi, hein. Allez les gars, faut se faire beau pour la nouvelle. Une nouvelle ? Quoi ? Une femme ? Oh, comme c'est dégoûtant. Oui, elle est en train de s'installer dans la cellule, mais vous la rencontrerez pas avant d'avoir pris votre douche. Une nouvelle ? Se pourrait-il que ce soit... Non, l'infortune serait mon lot, sinon... Vous avez joué à une loterie ? Bon, quand on a des gars, c'est pas forcément la priorité, hein. Prodigieux, prodigieux comme ils sont cons, ceux-là. Vivement qu'on me libère et je retrouve mes pompes à essence, moi. Oui, Père Usant, il devrait se trouver dans le coin, ça fait une heure qu'on marche dans la forêt. Bouzoï, pisez, petit pas. Ouais, si au moins ils étaient restés dans la maison où ils se cachent, on les aurait retrouvés, mais là ils sont partis je ne sais où et c'est dur de les retrouver dans foutu bois. Holo day de Bitbourg. Oui, les bois de Bitbourg. Oula, maintenant est roturier, avez-vous beaucoup d'argent ? Ha ha, voici le maire des bois et petit son conseil municipal. Non, le maire des bois, ne sautez pas, non. Père Usant, vous allez bien ? Je suis en dessous, moi. Mais je lui avais dit de ne pas sauter de la branche, c'était trop haut, mais il m'a pas écouté. Et il est tombé sur le Père Usant. Il était déjà tout ratatiné de vieillesse, là, ça va pas l'arranger, hein. Bon, c'est pas de ma faute, hein. Moi aussi, je me suis fait mal, hein. Carole, je ne vous avais pas reconnu. Aidez-moi donc à me relever. Merci. Ah, on est bien mieux sur ses jambes que sur ses fesses. Ou que sur le Parisien. Oui. Avez-vous aimé pas trop mal comme lui-même, hein. Eh bien, je suis heureux si vous n'avez pas trop mal. Alors, Périsan, comment ça va sinon ? La prostate, toujours hypertrophiée ? Boy. On a besoin de vous, monsieur le maire. Le maire des bois. La résistance vous demande pour lancer le grand lasso ou un truc comme ça. J'ai pas tout compris de ce qu'elle m'a dit, madame Rebecca. Lancer le grand lasso ? Comme les cow-boys ? Je crois qu'il veut parler d'un grand assaut, avec des morts, des tirs incessants de batteries anti-aériennes, des gens qui se terrent dans des bunkers à l'affût de l'imprudent, et qui se préparent à tirer comme un lapin avant d'être accueillis comme des héros par la populace en délire. Calmez-vous, petit son conseil municipal, calmez-vous. Je comprends ce que vous voulez dire. Eh bien, on dirait que pour nous, c'est fini la vieux grand air. Partons à la reconquête de Bitbourg. Yeah, à la guerre. Chut, il faut pas faire de bruit. Jennifer a été arrêtée, personne n'est censé être ici. C'est excitant comme situation. Oui, se terrer comme des miliciens prêts à égorger le soldat qui s'égare dans les rues en ruine d'une ville embrasée. Ah, c'est bon ça. Nous descendons à la cave, c'est là qu'a lieu la réunion des résistants. Monsieur le maire, enfin! Le maire des bois! Je vous prierai de m'appeler ainsi désormais! Et moi, c'est petit son conseil municipal. J'y tiens beaucoup. Vous êtes armé? Pour affronter la vie, oui. Ma mère a toujours tout fait pour que je sois un homme prêt à affronter son avenir. Non, je parlais de vos armes automatiques, là. Oh, ça? Petit son conseil municipal, mon fidèle compagnon de choses vilaines! Je tiens à dire d'ailleurs que faire des choses vilaines, c'est plutôt pas mal et même excitant! J'ai mon petit soldat qui se lève à chaque fois qu'on braque quelqu'un! Mon fidèle compagnon d'armes, donc, est un ancien légionnaire! Et vous savez quoi? Je le savais même pas! Bah, qu'est-ce qu'il a de drôle, monsieur le maire? Oui, hein, c'est bon de rire parfois! Eh bien, nous rirons après! C'est vrai que c'est bon de rire parfois! Mais nous rirons après! Il faut lancer l'insurrection, monsieur le maire! Je laisse Abdoul vous expliquer notre plan. Le maire des bois, petit son conseil municipal, bonjour d'abord! Bonjour Abdoul, votre maire est fier de vous et de votre citoyenneté. Oh, c'est rien monsieur. Le maire des bois, connard. Et moi, c'est petit son conseil municipal. Tu te fous de ma gueule, hein? C'est ça, hein? C'est moi qui te fais rire, loupette, hein? Résidu de fiante chef de trou du cul de ta mère, alors. Qu'elle avait même pas 16 ans. Je te fais toujours rire, hein? Hein, dis-moi. Non. Non, comment? Non, petit son conseil municipal. J'ai pas entendu. Non, petit son conseil municipal. Bien, bien, bien, bon, bien. Des restes de la Légion, petit son conseil municipal, je suppose? Oui. Exposez-nous le plan, Abdoul. Eh bien, nous nous séparerons en deux groupes. Le premier attaquera les lignes ennemies qui tiennent la rue Tiens-Bien-le-Fou. C'est là qu'aura lieu le plus gros de la bataille. L'autre groupe que vous mènerez, vous, monsieur le maire des bois, s'attaquera au palais. Nous avons rendez-vous à 7h ce soir pour lancer l'assaut et... Fasse préparer mon bain tout de suite. Mon bain de 7 heures. Oui, Madame Boubillard, oui. Mademoiselle! Oh, Vincent, je commence à être lasse de ces serviteurs, emprisonnant-les. Ce ne serait pas un peu... Prends un peu procré. Quoi? Non, je m'énervais, c'est tout. Le roi David s'énerve, c'est normal. On emprisonne à tout va, quoi. Je commence à douter, moi, c'est normal. Je voulais qu'il y ait la paix. Et dès que j'arrive au pouvoir, c'est la guerre civile. Oui, la guerre est vile, même vilaine, je dirais. Que quelqu'un m'apporte à boire. Tout de suite. Jean? Jean Brampaune, mais qu'est-ce que vous faites là? En réalité, je suis là pour vous donner des nouvelles de la Résistance, mais je suis là pour également pour vous servir, quoi. La Résistance? Qu'est-ce que tu sais de la Résistance? Dis-nous vite, chien! Oui, chien, dis-nous. Vous pouvez m'appeler Jean, hein, je préférerais. Une guerre? Ils comptent nous attaquer? Les fourbes. Oui. Les vilains. Mais dites-moi Jean, comment vous savez ça vous? En fait, je suis un peu l'informateur secret de la Résistance et... Ça me rappelle quelqu'un. Que devient mon informateur secret à moi, larynx géant? Tu sers d'informateur à la Résistance? Mais en réalité, tu es un traître. Bah oui, mais en fait, non, je vais donner des infos à la Résistance, mais pour vous, je... Tue-le, Vincent. Tue ce traître qui a joué un double jeu. Pas un double jeu, puisqu'il était informateur secret de la Résistance, alors qu'en fait, il nous informait nous, et qu'en réalité, il informait la Résistance, et puis qu'après, il nous informait nous, et... Oh, j'ai mal à la tête, là. Tue-le, Vincent. Ne discute pas. Je vous en prie, Vincent, au nom de tous les informateurs secrets de la Terre entière, épargnez-moi. J'ai une dette envers l'Araxian, je... Et puis, je ne suis pas un tueur, Jacqueline. Moi, je voulais juste empêcher les conspirations de gangrener de Bitbourg. Je crois que finalement, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Il n'y a que la parano qui maille. Qu'est-ce que tu dis? Et tu as perdu, Jacqueline Boubillard! Rebecca? Mademoiselle Rebecca! Rebecca, comment déjà? La résistance a donné l'assaut. Comme je suis heureux de te voir. J'en ai assez, Rebecca, j'ai l'impression d'avoir fait tant de mal. Enfin non, pas tant de mal, mais j'aurais pu faire mieux. C'est cette vipère qui t'a enduit avec de l'erreur, Vincent. Non, elle a toujours utilisé une crème adoucissante, douce pour la peau et qui raffermissait mon épiderme. Eh bien, Rebecca, le moment est enfin arrivé de régler nos comptes. Tu lui as avancé de l'argent? Oui, Jacqueline. Battons-nous comme des folles et déchirons nos habits dans un bain de boue. Oui, comme ça, nous prouverons au monde que tu es bien une grosse truie. Oh, la salope! T'as entendu ça, Vincent? Tu vas morfler, Jacqueline! Je suis prête à te le jurer craché! Excusez-moi, Jean, je ne voulais pas vous toucher. Oh, mais c'est pas grave, hein. Je comptais changer de blouson de toute façon. Vous allez vraiment vous battre, là, déchirer vos vêtements et tout, et tout ça? Ça me semble bien parti. Approche, résidu de fiente d'autruche! Parle pour toi, Boubillard! Jean, tu peux aller me chercher une bière? On va s'installer là et profiter du spectacle. Ça commence. Vous croyez qu'il y aura une mi-temps? Pourquoi t'es-tu fait arrêter? Eh bien, je faisais partie de la délivrance, Paolo, pour vous résister. Quoi? Elle est prodigieusement conne, elle aussi. Hein. Oh là, elle fait partie de la résistance pour vous délivrer. T'es complètement dyslexique du langage, ma pauvre fille. C'est la première fois que je prends une douche avec autant de monde, moi. Et une fille en plus. Oh, Paolo, si vous saviez comme vous m'avez manqué. Je sais, petite... Non, vous ne pouvez pas savoir. Je sais. Non. Si. Non. Si. Non, vous savez pas. C'est trop dur. Vous n'êtes pas obligé de vous coller contre moi non plus. C'est quoi ce bruit? Je dis que je suis prisonnier, que je suis prisonnier avec vous et que je n'ai jamais fait partie de la police personnelle du roi David et que je... Enfin merde quoi. Qu'est-ce qui se passe? La résistance, Docteur Potomy! Elle vient nous résister! Délivrée, oh putain, qu'elle est trop conne! Bon, moi je me casse! Nos hommes ont délivré les prisonniers du centre de détention, à deux. Très bien. Il faut qu'on effectue une percée dont la rue tient bien fou pour couper toute route de fuite au roi David et à Jacqueline Boubillard. Allez, les petits gars, en avant! Pour Bitbourg libre. Pour Bitbourg libre. Paolo, Paolo, c'est la guerre dans cette rue. Rentrons chez moi et faisons l'amour toute la nuit comme des bêtes sauvages. Non, Jennifer, non. Il faut arrêter ce massacre. Ce serait trop bête de continuer à s'entretuer seulement pour un petit bout de terre. Eh, hey Paolo, Paolo, moi je peux aller chez Jennifer et faire l'amour comme une bête sauvage. Ça fait si longtemps. Tiens, prends sa raclure. Nos pertes sont grandes? Non, Abdul Pola, on a perdu qu'un chien et c'est pas comme au 02 52 96 85 00. Regardez, ils rigolent tous de votre blague, Carole. Le rire nous ouvre la voie. On fonce! Arrêtez ce massacre! Arrêtez ça! Mon Dieu, non! Que fait le docteur Paolo ici? Il est au milieu des deux lignes ennemies. Il va se faire tuer. Arrêtez ça! Arrêtez! Pour la paix dans le monde! Mon Dieu, non! C'est fini, Vincent David, tu es défait. Monsieur le maire? Oh, regardez, petit son conseil municipal. Deux femmes à moitié nues qui se battent. Dommage qu'on ait jamais pensé à installer une petite mare de boue au centre de mon bureau. Le maire des bois, c'est indécent. On dit un démon, petit son conseil municipal. Un démon. Et nous allons l'arrêter. Vincent David, je vous arrête. Ouais, de toute façon, j'allais me rendre, monsieur le maire. Je pensais bien faire en étant maire, mais en fait, j'étais totalement blousé par cette voleuse de Jacqueline. J'avais confiance en elle. Mais en fait, elle était vilaine, très vilaine, peut-être trop. Séparez-les, elles vont s'entretuer. Mais non, laissons-les. Elles sont si mignonnes à se battre comme ça, comme des chiffonnières. Non, non, vraiment, séparez-nous, là. On a le rimmel qui coule. Tiens, prends sa chienne. Ouais, c'est vrai. Séparez-nous. Moi, j'ai plus de barre à paupières, à force de prendre des coups. Bon, ben alors séparez-les, mais c'est bien dommage quand même. Tout est fini pour toi, Jacqueline Bobillard. Tu vas enfin croupir dans le centre de détention qui porte ton nom. Grrr. Un jour, Rebecca, un jour, ce sera toi ou moi. Hé, hé, hé, venez vite, venez vite. Il s'est passé un drame dans la rue de Tiens bien le fût. Tiens bien le fût? C'est là où a eu lieu le gros de la bataille, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Paolo, Jennifer. Quoi? Ils ont eu un enfant ensemble? Mon Dieu! Non. Ils sont... À vous, enfants de pêcheurs et autres pêcheurs encore, que Dieu vous pardonne vos péchés et vous accueille dans sa demeure pour que toi... Paolo Bottomi, grand docteur de Bitbourg, tu puisses encore opérer des gens et les guérir de leurs maux. Et que toi, Jennifer, tu puisses faire des choses avec les milliers de docteurs là-haut et les milliers de patients du royaume de Dieu, grands parmi les grands, au moins 2,50 m au garrot. Mon Dieu, Paolo, mort? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Dites-nous, Carole. Eh bien, nous, nous allions gagner la bataille quand, enfin, pour arrêter cette folie meurtrière, le docteur Bottomi a tenté de s'interposer et Jennifer n'a pas supporté quand elle a vu tomber. Et c'était horrible. parce qu'avec toute cette guerre, je n'ai plus aucun verre. Qu'il repose en paix maintenant avec eux-mêmes. Regarde, Vincent, comme ils sont beaux ensemble, serrés l'un contre l'autre, comme deux enfants pris de froid qui tenteraient de se réchauffer. Oui, et tout cela à cause de moi. Peuple de Bitbourg, Bitbourgeois, comme vous, j'ai été abusé par Jacqueline Boubillard, la vilaine, et voilà le résultat. Je ne sais si vous pouvez m'accorder votre pardon. L'accorder ? Pourquoi veux-tu qu'on l'accorde ? Ce n'est pas un instrument de musique ! Mais je vous jure que plus jamais, je ne tenterai de combattre les conspirations autrement qu'en étant un héros de l'ombre. Nous avons des leçons à tirer de tout ceci, de cette guerre infâme qui pendant plus de 2 semaines a embrasé votre ville. Une ville qui, dès notre arrivée, Rebecca et moi, nous a accueillis à bras ouverts. La guerre, c'est mal. Oui, et il faut tout le temps respecter son prochain. Car au fond, nous ne sommes pas différents les uns des autres. Et l'alcool, c'est bon, mais c'est à consommer avec modération. Au vu de ce qui reste de notre ville, on pourrait même ajouter « Respectons notre environnement, trions nos emballages et respectons les animaux, même si on les mange et que je les découpe en morceaux avec un grand couteau aiguisé. » Et payez toujours votre essence, il faut payer son essence, sinon on vole et voler, c'est vilain. Nous pouvons tirer de ce drame plein d'enseignements. Adieu Paolo. Adieu Jennifer. Vous serez toujours dans nos cœurs, comme des anges porteurs d'un espoir nouveau pour l'humanité. Allez, viens Vincent, rentrons chez Carole. Nous devons aider les Bitbourgeois à reconstruire leur ville, mais buvons un coup avant. Oui, mais avec modération. Allez Bitbourg, c'est le maire des bois et petit son conseil municipal qui paye leur tournée. Monsieur le maire, ça va encore faire des trous dans la caisse de la municipalité. Vive la paix, la paix c'est cool. Adieu Paolo. Adieu Jennifer. Pour des raisons de budget, nous vous informons que le docteur Paolo Bottomi sera joué dans cet épisode par un acteur allemand du Sud. Mon Dieu, est-ce qu'il est mort ? Son cœur ne bat plus, docteur. Ça veut dire qu'il est mort, hein, c'est ça ? Le cœur, ça se trouve où déjà ? En bas ? Oh, docteur, si ça c'était un cœur... Sache-le, mais là, hein, c'est bien ça ? Ah non docteur, le scalpel ne se range toujours pas dans le rectum du patient. Ah, c'est dans le plateau en fer alors qu'on met les ustensiles de chirurgie. Le terme le plus approprié serait instrument docteur, et non pas ustensile. Oui, bon ça va, c'est mon infirmière. T'as qu'à t'en trouver une d'infirmière pour toi tout seul. Docteur, vous êtes beau quand vous êtes jaloux. Oui, est-ce que... Ne te fâche pas Paolo, ne te fâche pas. Ah, docteur Bottomi. Non, attends Paolo, je vais tout expliquer. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire, hein. Fou Jennifer, cette espèce de... Oh. Vous l'avez tué, docteur. Par jalousie pour moi. Oh Jennifer, je ne supportais pas l'idée que vous puissiez jouer au docteur avec un autre que moi. Mais qu'allons-nous faire, Jennifer? J'ai tué un homme, hein, vous vous souvenez? Oui, mais c'est parce que vous étiez jaloux. Vous vouliez me protéger, docteur. Bon, creusez. Mais c'est vous le docteur, docteur. Oh, Jennifer. Oh, docteur. Ça vous tenterait une petite vasectomie ce soir? Oh, docteur Bottomi. Pourquoi vous êtes-vous livré à la police? Il fallait que je le fasse, Jennifer. Pour être en paix avec moi-même. Mais vous auriez pu rester en paix avec moi-même. J'ai tué un homme. Ah! Oui. Tout de même. Oui, je sais. C'est vilain. Bonsoir, Abdul. Bonsoir, Abdul. Oh, bonsoir, mademoiselle Jennifer. Quelle belle blouse! Merci. C'est une blouse de soirée. Elle est un peu tachée, mais c'est que nous avons dû opérer il y a une dizaine de minutes seulement. Oh, croyez-moi! Vous êtes aussi radieuse qu'un soleil par jour de pluie. Oh, merci Abdul. Qui est-ce? Qui parle en dessous de mon balcon? Est-ce toi, amour, dont j'attendais la venue depuis si longtemps? Ah, c'est moi, Paolo Potomi, premier du nom du duc de Banzobourg. Oh, Paolo, si vous pouviez éviter de citer votre lignée à chaque fois que nous nous voyons, ce serait mieux. Oh, Paolo, mon Paolo. Je viens vous chanter la sérénade, car je vous aime. Jennifer, pourquoi t'es-tu fait arrêter? Oh, Paolo, si vous saviez comme vous m'avez manqué. Je sais, petite. Non, vous ne pouvez pas savoir. Je sais. Non. Si. Non. Si. Non, vous savez pas. C'est trop si. Arrêtez ce massacre. Arrêtez ça. Mon Dieu, non. Qu'avez-vous, docteur Paolo? Il est au milieu des deux lignes, mes amis. Il va se faire tuer. Arrêtez ça. Arrêtez. Pour la paix dans le monde. Paolo! Paolo! Je viens vous chanter la sérénade, car je vous aime. Docteur, je vous aime, docteur. Thank you.